mange un bâton en serpent. Une main saine devient lépreuse pour montrer que ta puissance agit même dans nos peurs honteuses. Moïse résiste encore à ta voix et cherche mille excuses à son appel. Mais tu ajoutes Aaron à ses côtés et tu rends possible ce qui semblait irréel. Quand tu appelles un homme, tu l'accompagnes toujours. Tu utilises nos mains tremblantes pour faire trembler les royaumes. Tu prends nos faiblesses visibles pour dévoiler tes trônes. Tu utilises nos mains tremblantes quand nos cœurs doutent encore. Et la puissance passe par la foi quand l'homme se croit trop faible pour l'effort. Sur la route, un moment étrange, la justice se lève dans la nuit. Et la circoncision devient signe que l'alliance ne se négocie. Puis la rencontre avec les anciens, les larmes de reconnaissance. Et enfin l'espérance renaît dans un peuple qui n'osait plus croire en la délivrance. Tu utilises nos mains tremblantes pour faire trembler les visible pour dévoiler tes trônes. Tu utilises nos mains tremblantes quand nos cœurs doutent encore. Et la puissance passe par la foi quand l'homme se croit trop faible pour nos mains tremblantes.